Chapitre 11. Une audience intéressante. Le jeudi, dès 4 heures du matin, les habitants de Valsemey étaient réveillés par le son de l'Angélus. L'abbé Cardine sortit du lit avec mauvaise humeur. Sa bonne avait ordre de le réveiller une demi-heure au moins avant l'Angélus, et elle avait oublié. Il se leva et regarda l'heure à la pendule, qui marquait 4h10. « Est-ce que mon sacristain est fou ? Sa montre avance donc d'une heure ?» L'Angélus était sonné à 5 heures habituellement. Le sacristain n'avait jamais manqué d'arriver à l'église pour remplir son office avec une régularité absolue. Quand il fut habillé, le curé alla promptement à l'église. « Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ? Vous sonnez l'Angélus à 4 heures, maintenant ?»« Mais, monsieur le curé, dit le sacristain embarrassé, mais quoi ? C'est que c'est aujourd'hui qu'on juge la Jeanne. »« Je le sais bien. Est-ce une raison pour faire lever tout le bourg au petit matin ? Mais c'est que j'ai trouvé une occasion pour aller à Pont-l'Évêque. Monsieur le maire va aller au marché au cochon, et il me prend dans sa voiture. » « À quelle heure ? » ?»« Tout de suite, il m'attend. » L'abbé Cardine ne put s'empêcher de sourire et quitta le sacristain. Comme il avait encore 1h30 devant lui avant de dire sa messe, il rentra au presbytère. Sous le porche, il trouva 3 femmes de Valsemey qui causaient. « On a devancé l'heure ? » C'est à cause que monsieur le curé veut aller voir juger la Jeanne, probablement. Tiens, voilà madame Desnoux. Le curé alla vers elle. Ah, monsieur le curé, que vous êtes donc aimable d'avoir devancé l'heure de la messe. Comme ça, nous allons avoir du temps devant nous. Vous me faites un compliment que je ne veux pas recevoir, ma chère dame, dit le curé. C'est mon sacristain qui a sonné l'Angélus à 4 heures, pour être libre plus tôt. « Eh bien, puisque vous êtes là, ayez donc l'obligeance de dire votre messe tout de même. »« Je le voudrais bien, dit le curé, mais mon petit clerc qui demeure à une demi-lieue d'ici ne va venir que dans 1 heure. Je n'ai personne pour me servir. »« Voulez-vous que j'aille chercher mon mari ?» L'abbé Cardine ne crut pas devoir refuser une offre aussi gracieuse et consentit d'autant plus que ses habitués étaient là et qu'il ne voulait pas les faire attendre. Ce réveil matinal lui avait ouvert l'appétit. Il n'était pas fâché de se débarrasser de sa messe pour pouvoir avaler quelque chose. Pendant qu'il endossait à la sacristie les vêtements sacerdotaux, les femmes agenouillées dans l'église priaient. Monsieur Desnoux, que sa femme ramenait, entra avec elle à la sacristie. « Ah, vous allez être mon clerc, dit l'abbé. « Mais oui, monsieur le curé. « Je suis bien heureuse de ce qui arrive, répliqua madame Desnoux, car aujourd'hui nous allons à Pont-l'Évêque, et cela va nous porter bonheur. » Le notaire servit la messe, mais il était un peu distrait. Quand la messe finit, le curé descendit les marches de l'autel. Il dit à Desnoux en passant près de lui, mais sans s'arrêter. « Venez à la sacristie, j'ai à vous parler. » Desnoux resta un instant agenouillé, et en se relevant, fit un grand signe de croix. « Dites donc, lui dit le curé, quand il entra, je suis pris d'une idée. Je vais aller à Pont-l'Évêque. Pour voir... Non. » « Mais j'ai une visite à faire au curé. C'est pour vous demander une place dans votre cabriolet, si je ne vous gêne pas. »« Mais comment donc ?» reprit le notaire. « Voulez-vous que nous déjeunions ensemble pour partir après ?»« Très bien. » Et ils sortirent ensemble de l'église, après avoir fait une courte prière sur une des dernières chaises, près de la porte, et pris l'eau bénite dans la cuve en marbre scellée au mur. Madame Desnoux les attendait sous le porche. « Vous avez eu une excellente idée, madame, dit le curé, votre mari est un clerc modèle. » Et tous 3 s'en allèrent, montant la rue de Valsemey, pour se rendre à l'étude. Le mercier Mignet était devant sa porte, et les voyant alla au-devant d'eux. « C'est aujourd'hui. »« Mais oui, répondirent-ils ensemble. »« Et je vais à Pont-l'Évêque. »« Avez-vous reçu une assignation ?»« Oui, hier soir, c'est à 11 heures qu'on la juge. » « Je sais bien, dit le notaire, j'ai reçu une assignation comme témoin, ma femme aussi. »« Moi aussi, et Pigeon. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite place dans votre voiture ?» Le notaire regarda sa femme, puis répondit. « C'est que nous sommes déjà 3, monsieur le curé vient. »« Vient-il comme témoin ?» interrompit le mercier en riant. Tous 4 riaient quand Pigeon arriva, et sans en savoir la cause, partagea leur hilarité. « Et lui aussi est témoin, reprit Mignet. » « Oui, même que je viens vous demander s'il n'y aurait pas une petite place. » Le rire reprit de plus belle dans le groupe. « Une petite place ?» s'écria Mignet, qui était décidément de bonne humeur. « Une petite place avec ton gros ventre. Nous sommes déjà 4. » Ah, vous me devez bien cela. Voyons, mon cher Desnoux, c'est pour vous, en somme, que je vais là-bas. » Madame Desnoux dit à son mari, « Nous prendrons le break au lieu du cabriolet. »« Parbleu, oui, dit Pigeon. » « Je veux bien, ajouta Desnoux en souriant, mais vous touchez 3 francs comme témoin, vous pourriez payer votre voyage. » « Ah, tiens, faut bien gagner sa vie, n'est-ce pas, monsieur le curé ?» Mais sans répondre à cette fine répartie de Pigeon, l'abbé Cardine dit à Desnoux, « Allons déjeuner, alors vous passerez chez eux ?»« Non, venez prendre le café, nous partirons dans 3 quarts d'heure. » Sur la route de Valsemey à Pont-l'Évêque, les cantonniers, occupés à tailler les haies, se retournaient à tout moment pour regarder passer les voitures, descendant à grande vitesse la côte au bas de laquelle est la petite ville arrosée par la Touque. Des nuages de poussière blanche, soulevés par les roues et les sabots du cheval, s'élevaient et, à peine dissipés, une autre voiture les reformait. « C'est le marché aux cochons, disait-il. » Mais comme les voitures étaient pleines de gens endimanchés, en grande gaieté et faisant des éclats, les cantonniers se demandaient si c'était une fête. Une vraie fête, en effet, pour Valsemey. De maison en maison, on se demandait si l'on allait voir l'audience. Les petits commerçants qui avaient une voiture emportaient leurs voisins. Les 2 auberges du bourg avaient eu l'idée de faire concurrence à la diligence, trop petite d'ailleurs, et qui ne pouvait faire qu'un seul voyage. Les véhicules employés par les hôtels étaient de vieux chars à bancs, où l'on pouvait entasser 8 personnes. Mais en se serrant bien, on s'y était logé à 10. 2 femmes étaient assises sur les genoux des hommes. Les maris s'étaient placés à côté du conducteur sur le siège. Et les 2 voitures parties ensemble descendaient à fond de train la côte, pour se dépêcher de revenir à Valsemey et faire un nouveau voyage qui en vaudrait la peine. On payait les places 30 sous. Elles rencontraient des carrioles, devancées promptement, et d'où partaient des saluts envoyés aux voyageurs. Alors ce fut une course vertigineuse, les conducteurs des 2 voitures ayant été pris de l'idée de passer l'un devant l'autre. 2 fois les roues se frôlèrent. Les femmes poussaient de petits cris et les hommes disaient au conducteur « Si vous mettiez la mécanique, le frein !» Mais les conducteurs fouaillaient les chevaux. Ils faillirent écraser un cordonnier de Valsemey qui s'en allait tranquillement vers Pont-l'Évêque dans un banneau attelé d'un âne. Arrivés à la ville, les gens de Valsemey laissaient leur voiture sur le bord de la route, à côté du bureau de l'octroi, et la file était longue. Les chevaux, attachés au brancard, passaient l'herbe du talus. Et en attendant l'heure de l'audience, on entrait dans les cabarets. « Mais qu'est-ce qu'il y a donc aujourd'hui à Pont-l'Évêque ? » disaient les habitants. « Ah, on juge l'affaire du pantalon !» Alors les boutiquiers, devant cette invasion, pensèrent que le procès allait être intéressant. La petite ville fut en émoi au bout d'un quart d'heure. Et quand le char à banc du notaire arriva sur la place, un murmure monta de la foule. Le curé descendit de voiture, et l'on vit un peu ses gros mollets dessinés par le bas de soie noire. « À tantôt, dit-il, je vous attendrai au presbytère. » La voiture repartit et entra dans la cour de l'hôtel du Cygne Blanc, où des voyageurs de commerce exerçaient leur esprit sur le pantalon de Madame Desnoux. Quand les portes du tribunal de police correctionnelle s'ouvrirent, ce fut une irruption dans le couloir étroit, où 2 avocats en robe se promenaient lentement, une serviette sous le bras. Ceux qui se trouvaient au premier rang, poussés par la foule, entraînèrent les 2 avocats, furieux d'être obligés de courir, ce qui leur faisait perdre leur gravité. Au fond du couloir, la salle d'audience où s'étaient assis déjà quelques privilégiés retentit de la clameur des arrivants, qui prenaient d'assaut les places. La moitié des curieux ne put entrer. Comme des altercations s'entendaient dans le couloir, l'huissier en habit noir râpé fit fermer la porte. On ne percevait plus qu'un bourdonnement sourd, mais parfois un coup de poing était donné sur la porte. On faisait entrer par une salle du fond les témoins, munis de leur assignation. À l'arrivée de monsieur et madame Desnoux, qui accompagnaient Mignet et Pigeon, un mouvement de curiosité inévitable se produisit. Le notaire était très rouge, et sa femme, qui pâlissait, mit la main sur son cœur. « J'ai des battements, dit-elle. » Desnoux ne répondit pas. Ils s'assirent, tournant le dos au public, mais Pigeon et Mignet, avec des airs importants, montraient au public leurs bedaines sanglées dans une redingote luisante de neuf, et ils saluaient avec des sourires. « Le tribunal, messieurs, dit l'huissier. » cinq hommes en robe entrèrent sur l'estrade du fond, surmontés du Christ. Tout le monde se découvrit. Les juges déposèrent sur le bureau leurs toques et des papiers qu'ils avaient dans la main gauche. Le président, un homme d'une cinquantaine d'années, à cheveux blancs et favoris taillés de près, s'assit le premier, puis ses deux compères, celui de droite, un jeune élégant, blond, qui passait les doigts dans sa barbe, et celui de gauche, le suppléant, qui portait bien ses 40 ans et cachait sous un binocle des yeux noirs et petits de souris. Le substitut du procureur gagna son bureau, à gauche du public. Le greffier prit place à celui de droite. Le public se taisait respectueusement, intimidé par cette lente gravité. Un grincement se fit entendre. Une porte s'ouvrit par laquelle passèrent deux gendarmes, en petite tenue, escortant un gamin d'une dizaine d'années. L'affaire Herriot glapit l'huissier. Ce fut un désappointement. On n'avait pas songé que l'affaire du pantalon pouvait venir à la fin de l'audience seulement, et une chaleur insupportable montait de la foule entassée. « Silence, messieurs, » dit l'huissier. « Te voilà encore, Galopin ? Voyons, ne pleure pas, tu as volé des pommes. »« Oui, monsieur, pour les manger. » « Tes parents ne feront rien de toi. Tâche de ne pas recommencer. Ramenez-le chez sa mère. » Une femme en pleurs se leva et sanglotant. « Oh, monsieur, je vous remercie, ben, mais je n'en ferai rien. » « C'est bon, » dit le président. Il était un peu nerveux, mais les deux juges souriaient en se regardant. Le lever du rideau avait peu intéressé le public. « L'affaire Jeanne !» cria l'huissier. Toutes les terres se tournèrent vers la petite porte. Lorsqu'apparut la belle fille, elle s'arrêta une seconde, comme étonnée de cette affluence, mais elle ne sourcilla pas et, marchant devant les gendarmes, alla se placer devant le tribunal. Alors elle se retourna et vit Desnoux qui regardait le tapis. Desnoux qui était très rouge pâlit. Après l'énoncement des noms, prénoms et qualités, le président dit « Reconnaissez-vous avoir volé un pantalon appartenant à Madame Desnoux chez laquelle vous travaillez en journée ?»« Oui, monsieur. » Pourquoi ? À cette question saugrenue, le public se mit à rire. Silence, messieurs, cria l'huissier. Puisque vous avouez, l'affaire est facile, inutile d'entendre les témoins. Le tribunal va vous juger après le réquisitoire de monsieur le procureur, mais vous n'avez pas voulu accepter de défenseur ? Vous n'avez rien à dire ? Si. Et se retournant vers Desnoux, qui ne s'attendait pas à cette réponse, elle lui planta dans les yeux un regard méchant et narquois, qui n'échappa à personne. Vous manquez de respect au tribunal en lui tournant le dos, dit le président. Cette observation acheva de monter la colère de Jeanne. Ah, son amant l'avait dénoncé. En tout cas, il l'avait laissé arrêter, et il avait eu le toupet de venir au tribunal à temps. Voilà, dit Jeanne, ce que j'ai à raconter. On m'a arrêté en me demandant si j'avais volé un pantalon. J'ai dit oui. Et voilà toutes les preuves que vous avez contre moi. Et si je m'étais moqué de la justice ? On peut bien avouer pour s'amuser. L'avez-vous vu le pantalon de Madame Desnoux ? On n'a pas fait de perquisition seulement. Parce que vous avez averti les gendarmes que c'était inutile. Qu'en avez-vous fait de son pantalon ? La réponse ne se fit pas attendre. En un clin d'œil, Jeanne leva ses jupes et le tribunal put voir le linge intime dans sa radieuse blancheur. Le public, qui lui était mieux placé, aperçut le dé gigantesque brodé au fond. Un éclat de rire formidable retentit. Les deux juges, le substitut et le greffier, partageaient l'hilarité générale. Mais le président, blême de colère, s'écria « Je vais faire sortir tout le monde !»« Silence, messieurs !» hurlait l'huissier. Comme l'affaire devenait intéressante, personne ne tenait à s'en aller. Le silence se rétablit. Personne ne songeait à Desnoux, à sa femme et à leurs deux amis. Pigeon et Minière riaient, avaient ri comme tout le monde, mais le notaire tremblait de tous ses membres et sa femme avait fait un signe de croix. « Le tribunal appréciera, dit le président, et votre cas et votre conduite. Allez vous asseoir. »« Ce n'est pas fini, répliqua Jeanne. Taisez-vous. Non, je veux finir ce que j'ai à dire. » Pendant le tumulte, on ne s'était pas aperçu que Jeanne avait retiré le pantalon qu'elle tenait roulé dans sa main. « Le voilà, le pantalon, dit-elle. » Ses lèvres frémissaient. Et se retournant, elle le jeta à la tête du notaire en criant « Tiens, rends-le à ta femme, cochon. Tu m'as pourtant dit qu'il m'allait mieux qu'à elle, hein, est-ce vrai ?» Le président bondit comme un diable sortant d'une boîte. « Gendarme !» hurlait-il. « Emmenez cette folle, emmenez-la » Et comme les gendarmes cherchaient à s'emparer d'elle, Jeanne criait. « Oui, je suis sa maîtresse depuis un an. C'est lui qui me l'a donné, le pantalon. Dis que ce n'est pas vrai, cochon !» On ne riait plus dans la salle. Ce vaudeville tournait au drame. Les rangs pourtant serrés s'ouvrirent pour laisser passer Minguet et Pigeon, qui emportaient Madame Desnoux pâle comme une morte. Minguet avait le pantalon sous son bras. Pendant que le notaire sortait en titubant par la petite porte des témoins et que les gendarmes emmenaient Jeanne, l'huissier cria « L'audience est suspendue !» Les juges sortirent gravement, et la foule s'écoula lentement, avec des cris et des bruits de voix. Sur la place, les groupes discutaient. « Je m'en étais toujours douté. Et moi donc ?»« C'est vrai, puisqu'il n'a pas dit non. »« Parbleu ! Ah, c'est trop raide !» On vit des gens de Valsemé descendre les marches du palais de justice en courant. « Tiens, ça nous a fait oublier qu'on va la juger. Allons voir si l'audience est reprise. » Un homme arriva essoufflé. « Elle est condamnée à 6 mois de prison, la Jeanne, vol et abus de confiance. »« Elle ne l'a pas volé, ce coup-là. »« Mais Madame Desnoux, quoi qu'elle va devenir ?»« Tiens, voilà le médecin qui revient du presbytère. » On courut vers lui. « Eh bien, Madame Desnoux, monsieur le médecin ?» Elle est morte de la rupture d'un anévrisme. Un silence se fit, et l'on se raconta la nouvelle à voix basse.